Bonjour, je m'appelle Nico. Mardi, nous avons eu deux animatrices qui ont... D'abord, on a fait des... On a appris avec des cartes. Il y avait plusieurs bonjours en plusieurs langues. Et nous devons reproduire ce qui était marqué sur la carte. Et celui auquel on a fait le bonjour devait essayer de deviner le pays qu'on avait fait. Puis nous avons dessiné. J'ai fait la pièce la plus importante de ma maison, ma cuisine. J'ai fait Sangoku et les boules de cristal. Tu as fait ces dessins, mais tu vas les accrocher chez toi ? Non, on va faire une carte avec tous les dessins de tout le monde sur son bref. Tu regardes Dragon Ball tous les jours ? Bah, pratiquement tout le temps, oui. J'ai commencé Dragon Ball et je suis fan. Ça, c'est grâce à toi. Merci. Avec plaisir. Et les bouboules avec des étoiles, il y en a combien ? 7. Et c'est vrai qu'avec les 7 boules, on peut faire un vœu ? Oui, si on prononce la bonne formule. Shenron apparaît et exauce mon vœu. Ce serait quoi ton vœu le plus cher ? Que ma famille se porte bien et qu'ils aillent la jeunesse et l'immortalité. L'histoire de mes dessins. Illustré par Arthur Gelgrass et écrit par Arthur Gelgrass. Je commence à New York, la grande pomme. Empire State Building, salut. Edge, au secours. Liberty, what? Et puis la vallée de la mort, il fait chaud. Vallée de la mort, 50 degrés. Je vais à Paris. Dame de fer. Et puis au nord. T'as déjà été sur la planète que t'as dit ? Je m'en rappelle plus laquelle. La planète Saturne ? Non, jamais. Et tu comptes y aller plus tard ? Non. En même temps, aller sur Saturne, c'est pas possible, parce que si on y va, on va geler tout de suite. C'est vrai. La température est à moins 100 degrés. Ce serait difficile d'y survivre. Aimes-tu écrire au moins ? Parce que si t'écris plein de livres, après, ta main, ça va faire mal. J'aime pas trop écrire, mais c'est quand même mon plaisir d'inventer un livre pour le vendre. Mais pourquoi veux-tu le vendre ? Parce qu'ainsi, je gagnerai mieux ma vie, j'aurai plus d'argent de poche. Pourquoi tu veux avoir de l'argent de poche ? Ça ne sert pas à grand-chose, puisque tu vas avoir un métier beaucoup plus développé plus tard. Bah, plus j'aurai d'argent de poche, plus je pourrai m'acheter les beaux cadeaux. Par moi-même, je pourrai même m'acheter les friandises. Et je pourrai commencer à jouer au loto via ça.